Pour mon Paris ville idéale, qu'il faut quitter dès ce soir. Adieu ma belle capitale, adieu, non, au revoir. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse. Tu m'oublieras bien vite, et pourtant, mon cœur est tout chaviré en te quittant. Je peux te dire qu'avec ton sourire, tu m'as pris l'âme, ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime, oui, d'amour. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais voyons vite que je te dis que je t'aime. Allons, pour les caresses de mille maîtresses, elles m'oublieront bien vite. Et pourtant, moi de leur baiser, je me souviendrai bien longtemps. Lune après lune, la blonde et la brune m'ont fait sans phrase goûter mille extases. Je te jure que je t'appartiens pour toujours. Paris, je t'aime, et comment d'amour.